Valse de minuit, valse qui me poursuit jusqu'au lever du jour. Valse d'amour, valse de la nuit qui trouble de ton bruit le calme d'alentour. Valse d'amour, viens bercer pour moi les merveilleux émois et l'éternel retour. Des belles heures, et que je chante ou je pleure, tourne toujours, tourne toujours, étrange valse d'amour. Longue est la plaine, le vent promène, douce et lointaine, comme un écho. Une romance qui tourne et danse au ciel immense, comme un oiseau. Valse de minuit, en t'éveillant, dis-lui que je l'aime toujours. Valse d'amour, que le temps qui fuit n'a rien changé depuis son départ sans retour. Valse d'amour, se peut-il vraiment, alors que je l'attends, que son cœur reste sourd à ma prière. Dis-lui que j'aime et j'espère tourner toujours comme au beau jour l'ancienne valse d'amour. Peut-il vraiment, alors que je l'attends, que son cœur reste sourd à ma prière? Dis-lui que j'aime et j'espère tourner toujours comme au beau jour l'ancienne valse d'amour.